Aujourd'hui est le 2 juillet 2024 et on est en train de pratiquer la méditation pour connaître l'esprit et le corps, Nama Rupa, qui existent en nous tels qu'ils sont. Nama et Rupa, l'esprit et le corps, existent véritablement. Le fait de savoir qu'ils existent, que Nama Rupa, l'esprit et le corps, existent tels qu'ils sont, signifie que Samadhi existe. Signifie que la concentration existe et a une raison et qu'elle est forte. En ces moments, le yogi connaît la nature du corps et la nature de l'esprit. Le yogi arrive à connaître les dhammas de l'esprit et du corps. On arrive à connaître la nature de l'esprit et la nature du corps. On arrive à connaître les qualités visibles de plus en plus et notre connaissance mature de plus en plus. Ce qui se passe, c'est que les pollutions mentales nous font commettre des actions malsaines et avoir des comportements malsains. Ça sont les akusala. Les pollutions mentales, les kilesas qui nous dérangent dans le samsara, deviennent de plus en plus faibles jusqu'au moment où on peut les dominer complètement. Quand les kilesas, les pollutions mentales, sont éliminées, quand le yogi arrive au plus haut niveau de concentration et au plus haut niveau de sagesse, en ce moment, le yogi réalise Nibbana. Il met fin à la souffrance et il porte la paix. Donc, on doit pratiquer la méditation pour gagner cette connaissance spéciale. Il y a 5 facteurs qui nous portent à développer cette connaissance spéciale pendant la pratique. Le premier de ces facteurs, en pali, Sado, Oti, Tathagata, Sabodhi, et le fait d'avoir de la foi et de la confiance dans la connaissance du Bouddha, connaissance qu'il a acquis à travers la réalisation du chemin d'Arahant. Et pour les personnes qui acceptent le bouddhisme, ça va sans dire, est facile d'avoir cette faculté. Pour qui est déjà du coup dans le champ du bouddhisme où on y est grandi. Pour les gens qui n'arrivent pas à avoir de la confiance, de la foi dans une personne, dans un individu, dans ces cas-ci le Bouddha, et assez d'avoir la compréhension et la confiance dans le karma. Le karma, c'est le fait qu'une bonne action, elle porte à des bons résultats, et que par contre, une mauvaise action, elle porte à des mauvais résultats. Si une personne comprend ça et pense que ce fait est vrai, ce niveau de foi est suffisant. Et comme quand on mange de la nourriture saine, on est nourri de ça, on est en bonne santé et on devient fort. D'autre côté, si on mange de la nourriture périmée, on tombe malade et on ne peut pas être fort et en bonne santé. Entre les êtres humains, il y a des gens qui commettent des actions pures, qui ont des discours purs et une mentalité pure. Ces actions pures existent. Mais la plupart des gens commettent des actions impures, tiennent des discours impurs et ont une mentalité impure. Pour avoir la confiance dans le fait qu'il y a une façon pure d'agir, penser et parler, et que plus purs ils sont, plus ils apportent des bénéfices, et avoir de la confiance dans le fait qu'il y a une façon impure d'agir, parler et penser, et que plus elles sont pires, plus elles sont nuisibles, avoir ce type de compréhension est le premier facteur pour un yogi pour acquérir la connaissance spéciale dont on a parlé. Est nécessaire pour les yogis de se regarder soi-même en termes de ces premiers facteurs, la foi ou la confiance. On a ça ou on n'a pas ça. Si ce premier facteur n'existe pas, la pratique ne sera pas efficace. Si cette faculté est qu'à moitié trempée, alors la pratique ne sera pas efficace non plus. En termes plus généraux, d'avoir cette confiance généralisée, cette compréhension généralisée, on doit comprendre que quand les gens acquièrent le Dhamma, c'est pas sans cause. Il y a une cause, une faculté, et la première est avoir de la foi. Parce que si une personne n'a pas de foi ou de confiance, alors, cette personne ne va pas faire le travail et elle n'essayera pas. Sans travailler, sans essayer, il n'y aura pas de résultat. Cette pratique requiert 100% d'effort. Avec ce 100%, on fera le 100% du travail et on aura le 100% des rétributions. Si on est seulement à moitié, on fera les choses à moitié et donc on aura la moitié de la rétribution. Le deuxième facteur ou faculté requise est la bonne santé. Aujourd'hui, il n'y a presque personne qui soit complètement en bonne santé. Cependant, il y a des gens qui sont assez en bonne santé pour pouvoir pratiquer. Ça veut dire qu'on doit être capable de manger assez, de digérer et de dormir convenablement. Il y a des gens qui, même quand ils sont malades, viennent en retraite de méditation. Quand ils pratiquent les facteurs des joies, piti, tranquillité, asati et bonheur, sukha, ces facteurs se propagent dans le corps en purifiant le sang. Et le sang, il circule mieux dans le corps. Même des maladies qui n'existent pas peuvent être éliminées. À cause des effets de la méditation, il y a même des patients dont le médecin avait renoncé à les soigner en les définissant incurables. Même leurs maladies ont été surmontées. Donc, on doit être en parfaite santé pour pratiquer la méditation? Non. Si on est complètement en bonne santé, c'est mieux. Mais si on est assez en forme pour pouvoir manger, digérer et dormir convenablement, on a assez de santé pour pratiquer. Si vous faites le vœu de continuer à pratiquer jusqu'à votre santé sera bonne, votre dhamma progressera et votre santé s'améliorera aussi. Ça est le deuxième facteur pour les yogis pour réaliser le dhamma. Il y a des gens auxquels leur médecin leur avait donné seulement quelques mois encore à vivre, seulement 6 mois de vie par exemple. Et beaucoup de ces gens sont venus à méditer et ont pratiqué diligemment et ils sont complètement guéris. Le troisième facteur requis, c'est l'honnêteté. La personne doit être honnête et directe. Ça est une attitude mentale très importante pour les yogis. Dans le monde, cette qualité d'honnêteté est pratiquement inexistante. Elle est très faible dans le monde en ce moment. Les personnes font semblant quand elles interagissent entre elles. Les yogis aussi peuvent être libres d'une conduite ou d'une parole réprochable. Et si nous n'admettons pas nos fautes, alors on fait semblant qu'elles n'existent pas. Les gens font aussi semblant d'avoir des qualités qu'elles n'ont pas. Quand on a des fautes, on doit les admettre à la personne concernée. À la place de faire ça, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, à la place d'aller vers la personne blessée et admettre leur faute, ils se comportent comme si leur faute n'existait pas. Ça est très commun dans le monde. Quand on pratique la méditation, on ne devrait pas avoir ce type de choses. On ne devrait pas cacher nos fautes. On doit dire franchement ce qui se passe dans notre pratique. Aussi, on ne doit pas faire semblant d'avoir des qualités qu'on n'a pas pour que les gens puissent penser bien de nous. Quand on décrit comment on pratique, on doit dire combien de fois on fait la méditation assise et chaque fois combien de temps on passe assis. Puis on décrit le soulèvement et abaissement de l'abdomen. Est-ce que l'esprit est capable de suivre le soulèvement et abaissement? Et si on n'y arrive pas, on doit le dire clairement. Si on y arrive, on doit décrire ce qu'on observe pendant le soulèvement et l'abaissement. Pour les yogis, il est très important d'expliquer leur pratique de cette façon. Pendant la méditation en marche, est-ce que notre esprit est capable de suivre les mouvements, de suivre chaque pas? Peut-on observer chaque lever et chaque placement du pied? Est-ce que notre esprit peut rester avec le lever et le placer du pied? Si on peut noter ça, ensuite, de quoi on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de la jambe ou du pied ou du mouvement, de l'action du lever du pied ou du placer du pied, etc. Tout ce que nous expérimentons, on devrait le dire. Si vous n'expérimentez pas quelque chose, vous ne devrez pas le dire. Vous présentez ce qui se passe de cette façon, honnêtement. Quand un yogi peut expliquer de façon simple ce qu'il expérimente, alors le maître sait que ça est un yogi qui prend soin de sa pratique et cherche à s'appliquer continuellement et soigneusement. Le maître sait qu'il est un yogi qui valorise sa pratique et le maître le félicite. Parmi les 5 points dont on parle ce soir, le yogi a de la foi et de la confiance, il est en bonne santé et il applique la pratique et explique honnêtement ce qui se passe pendant sa pratique. Le maître est capable de guider ce type de yogi. Le quatrième facteur est un effort énergique, méticuleux et continu pendant la pratique. Ça signifie que pendant la pratique, on doit faire l'effort d'observer chaque objet qui apparaît, en commençant par le soulèvement et abaissement de l'abdomen. Faire ce type d'effort, continue à observer les objets qui apparaissent en commençant par le soulèvement et abaissement de l'abdomen, signifie que chaque fois que vous faites cet effort, il y a l'attention, sati, qui est impliquée. Et plus on fait d'efforts, plus sati apparaît. Et la concentration, samadhi, surgit automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de faire en sorte que sati se produise. On doit simplement continuer à essayer d'observer. On n'a pas besoin de faire des efforts pour créer sati, l'attention. Un effort régulier sur l'objet fait en soi que sati apparaît et reste ancré à l'objet. Quand sati est ancré à l'objet, l'esprit ne vagabonde pas. On doit continuer notre effort d'observation un second après l'autre. En marche est la même chose. Toutes les fois que le pied se lève et que l'on place, chaque fois on doit être attentif. Les yogis doivent faire des efforts pour observer aussi leurs activités quotidiennes. Il y a donc 3 parties dans notre pratique de méditation. La première, c'est bien l'assise, donc l'observation des objets qui apparaissent en commençant par le soulèvement et abaissement de l'abdomen. Et pendant la marche, qui est l'observation des mouvements des jambes, de pas gauche, pas droit, et du lever et placer du pied. En notant les activités quotidiennes, les yogis doivent observer leurs pas, pression droit, gauche, lever, placer, quand ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Il doit observer toutes les actions qu'ils font. S'ils cherchent à observer leurs activités quotidiennes de cette façon, ils progresseront rapidement. L'effort est très important en ces moments. Faire un effort continu pour observer signifie que, sauf quand vous êtes profondément endormi, vous devriez observer vos postures, debout, assis, couché ou en marche, et les actions faites dans ces postures. Par exemple, si on étire nos membres ou le lever placé des pieds, et jusqu'aux mouvements les plus petits, comme par exemple les mouvements des paupières. En étant capable d'observer le soulèvement et l'abaissement de façon continue, ce qui est important est d'avoir foi dans les bénéfices qui viennent de la pratique et le désir d'avoir ces bénéfices. Quelle que soit la tâche ou la chose qu'on est en train de faire, s'il n'y a pas de foi dans les résultats et les bénéfices de ce qu'on est en train de faire, ou si on ne sait pas qu'il peut y avoir des bénéfices, ou si on sait bien qu'il y a des bénéfices mais on n'a pas la foi, alors il n'y aura pas de désir d'accomplir la tâche et il n'y aura pas le désir d'avoir des résultats. Quelle que soit la chose qu'on est en train de faire, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, seulement si on a de la foi complète dans ce qu'on est en train de faire et le désir d'avoir des résultats, l'effort qu'on doit donner accomplira le travail qui s'achèvera à cause de la foi et du désir du résultat. Si on a une bonne base comme ça, quand on pratique, alors il y aura de l'effort. L'effort est un facteur qui peut surmonter la paresse. L'esprit sera capable de surmonter la paresse. Il ne se retirera pas. Si on continue à observer de cette façon, on deviendra courageux, assez pour surmonter les difficultés. L'énergie deviendra forte. Quand l'effort virya a un fort élan, l'esprit se libère des empêchements, raga, dosa, moha, le désir, la colère et la confusion. On se libère donc des obstacles à la concentration. L'esprit devient pur, avec la qualité de la foi et les obstacles sont surmontés. Ce type de foi clarifiée surgit aussi quand on écoute l'enseignement du Dhamma et notre esprit sent de la dévotion et de la clarté en écoutant le Dhamma. On appelle ça aussi de la foi claire. Quand on pratique, l'esprit se purifie et on développe la connaissance qui grandit étape par étape. Ensuite, on a de la foi qui se confirme à travers la connaissance. Et on ressent de la foi qui est de la foi confirmée. Initialement, on n'a pas de la foi complète, ou même si on a, pratiquement, quand on arrive à bien voir la distinction entre esprit et corps, nama, rupa, et quand on voit aussi leur relation des causes et effets, alors notre foi grandit. Quand on continue à pratiquer, et qu'on voit que tous ces phénomènes physiques et mentaux ont une relation de cause-effet qui apparaissent et disparaissent, en ce moment, la connaissance est bien développée parce que on note en continu. Et du coup, le bonheur surgit et on ne veut pas lâcher cette sensation, ces sensations de joie, piti, tranquillité, asati et bonheur, sukha. Quand ces facteurs de joie, piti, tranquillité, asati et bonheur, sukha surgissent et on voit que le plaisir qu'ils apportent est meilleur que celui du sexe. Si ces facteurs apparaissent, le yogi ne se retirera pas de la pratique et le yogi profitera de toute occasion pour pratiquer. Et n'importe le temps qu'il a pour pratiquer, il voudra y rester de plus en plus. Quand le yogi voit l'apparition et la disparition des phénomènes physiques et mentaux, alors il aura un bon niveau de connaissances mentales et expérimentera le bonheur, ce bonheur incontournable, un bonheur qu'il ne voudra pas lâcher. Ces yogis, s'ils continuent à pratiquer, ils seront sûrs d'arriver à l'illumination dans cette vie même. Donc ça, ce sont les cinq facteurs pour obtenir la connaissance spéciale. Le premier, c'est la foi. Le deuxième, la santé. Le troisième, l'honnêteté. Le quatrième, l'effort qu'on met dans la pratique. Et ensuite, donc, quand la connaissance surgit, personne ne vous demandera pas si vous avez la foi dans les dhammas. Elle sera automatique. Vous devez essayer à pratiquer et Sayado doit vous aider. Sayado veut voir que vous développez une telle foi dans la pratique que vous ne vous retirez plus et vous continuerez la pratique pendant toute votre vie. Il y a des gens qui ne cessent jamais de pratiquer pendant leur vie. On utilise notre effort seulement pour survivre, pour avoir de la nourriture, des vêtements et un toit sur la tête. Mais ça est seulement pour cette vie-ci. Il est beaucoup plus important d'utiliser cet effort pour acquérir ce dhamma qui va sûrement, c'est garanti, nous aider, pas seulement pour dans cette vie, mais pour le samsara. Non, Sayado veut que vous gagniez un niveau inébranlable de bonheur et de foi. Pour arriver à ce niveau, il y a ces cinq facteurs qu'il vient de vous expliquer. Donc, cherchez à pratiquer ces cinq facteurs et avoir la garantie qui vient de la pratique du Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.